Bonjour, amis PNshowers et PNshoweuses. Pour les besoins de notre prochaine vidéo, je vous prie sans plus tarder d'accueillir, comme par magie, notre ami Xavier. Bonsoir Boris, c'est un plaisir pour moi d'être là avec toi ce soir. Nous sommes un peu le duo comique de PN. Le plaisir est partagé. Et si nous lancions tout de suite le PN Chaussette ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du PN Show, accompagnée de notre duo comique préféré à PN, Xavier et Boris. Peut-être d'un niveau comique inférieur au duo Iwata-Shibata de ce Nintendo Direct de jeudi 13 septembre, où on peut dire que le président de Nintendo Japon et le président de Nintendo Europe nous ont fait un duo comique extraordinaire. Double Satoru. Double Satoru. Xavier, qu'est-ce que tu fais avec ta chaussette là ? C'est juste pour te rappeler qu'aujourd'hui on tourne le PN Chaussette. Le PN Chaussette qui revient juste sur après toutes le les... PN Chaussette de Francfort. Je voulais absolument placer sa blague. Au sommaire de cette émission, le débriefing du jeudi 13 septembre, une journée marquante pour tous les fans de Nintendo. Quatre conférences, deux au Japon, une aux États-Unis, une en Europe. L'ensemble des annonces du lancement pour ces trois territoires, le prix, les dates de sortie, les jeux du lancement, des surprises plutôt bonnes. Donc je pense que c'était une journée très intéressante. On va y revenir avec notre duo comique. Tout, vous serez tout sur la Wii U. Alors on va commencer tout de suite avec les infos de la journée, le prix, la date, avec Xavier. Oui, et là on n'est plus drôle du tout. Non, c'est très sérieux. Là on redevient un petit peu sérieux. C'est très sérieux. J'ai mes notes. Très bien. J'ai mes notes. Alors, il faut savoir que la Wii U sortira dans deux packs différents. Des packs qui contiennent pas tout à fait la même chose en fonction des pays, mais il y aura bien deux packs différents par région. C'est d'ailleurs une rumeur qu'il y avait qu'on aurait. Oui, ça faisait quelques jours. Non, c'est déjà. Trois. Au final, il y en a deux. Alors, sur le troisième en Europe. Voilà. Je crois que tu savais rien au sujet du lancement de la Wii U, toi. Oh, j'ai suivi deux trois trucs Twitter, c'est bien ce qu'ils pensent. Donc la console sortira tout d'abord aux États-Unis le 18 novembre. Pour une raison bien simple, c'est que s'il la sortait après, il gagnerait beaucoup moins de sous. Ah bah. En Europe, elle sortira ensuite le 30 novembre et elle suivra enfin au Japon, c'est là qu'elle sortira en dernier, le 8 décembre. À peu près ce qui s'est déjà passé avec la Wii en son temps. Oui, c'est un scénario qu'on a déjà eu pour la Wii et la Wii U sort un petit peu plus tôt en Europe par rapport à la Wii à l'époque. L'autre information qu'on attendait bien sûr, c'était le prix de la console. La version de base, on reviendra sur le contenu de cette version de base dans un instant, coûtera 300$ aux États-Unis, 260€ à peu près au Japon, soit 26 250 yens pour ceux qui sont là-bas avec une visa, ou 299,99€ chez nous en Europe. C'est une conversion magique. Ouais, mais ce n'est pas le prix officiel de Nintendo qui se garde bien de communiquer un prix de vente publique pour éviter une amende de notre chère Union européenne. Oui, la libre concurrence. Donc ce Basic Set, c'est la version de base de la console. Il y a aussi une version Premium, la version Deluxe aux États-Unis, qui elle coûte 350$ ou 350€, ou au Japon 314€ avec le taux de change, soit 31 500 yens. C'est tout. Alors, deux versions de console impliquent deux contenus différents dans les packs. Si on prend le pack Basic, il va contenir trois petites choses nettes. Une console. Qui aura une capacité de stockage de 8 gigas. Qui sera blanche. Oui, une console blanche, bien sûr. Un gamepad, lui aussi, de couleur blanche. Et, attention, un stylet de couleur blanche. Ouh, quelle chance. Voilà. On ajoute aux États-Unis la présence d'une sensor bar pour Wii dans le pack standard. Qui ne sera pas disponible ni en Europe ni au Japon dans ce pack-là. Peut-être plus intéressant. Enfin, on peut aussi préciser qu'il y aura un câble HDMI, l'adaptateur secteur, et pour la Wii U et pour le gamepad dans tous les packs. Voilà. Et ce qui est très bien, c'est très rare encore aujourd'hui que le câble HDMI figure dans le pack de base. Et c'est très rare pour Nintendo d'inclure un adaptateur secteur pour ses consoles. Oui. En ce moment, oui, la mode est plutôt. Je me rappelle de quelques réflexions au mois d'août. Et donc, mon cher Xavier, pour 50€ de plus, qu'est-ce qu'on a ? Moi, je dirais Dragon. Mon cher Xavier. Mais écoute, t'en es pas bien loin. Hein, parce en maïté. Tu vas avoir une station de recharge pour ton gamepad, un support pour poser ton gamepad et avoir l'air super classe dans ton salon. Et justement, entre la station de recharge et le support, il y a. Il y a un bout de plastique. Un bout de plastique d'écart. Et voilà. Voilà. Il y a aussi un socle pour la console qui te permet de poser ta console à la verticale pour avoir l'air encore plus classe que classe dans ton salon. Mm-hmm. Donc, classe que classe, quoi. Aux États-Unis et en Europe, on aura droit à un jeu inclus dans ce merveilleux pack. C'est un jeu que Boris attend avec une grande impatience. De plus en plus. De plus en plus. Je le sens fébrile. Non. Nintendo Land. Ah. Aussi. Nintendo Land qui sera donc proposé dans la version premium européenne et américaine. Et pour Japon, comme c'était le cas avec Wii Sport. Et également dans la version premium, une sensor bar pour la Wii. Là encore, aux US et en Europe. Et puis bien sûr, n'oublions pas la superbe offre de Nintendo qui est une souscription de 2 ans au Nintendo Network Premium. On viendra après sur qu'est-ce que c'est cette petite chose du Nintendo Network. Voilà. Alors, une partie consacrée à la politique online. Ouais. Alors j'ai pas précisé que la console noire de la version premium avait 32 gigas de mémoire interne. Ça aussi, quelle classe. Voilà. Ouais. Donc la version premium coûtera 350 €, la version de base 300 €. Et ce sera donc disponible en Europe à partir du 30 novembre 2012. On peut peut-être rajouter qu'un troisième pack fera son apparition en Europe. Oui. Un pack Zombie U. Oui. À la place de Nintendo Land, on aura Zombie U et une manette classique Pro Super. Dans le pack. C'est en gros un pack Super Gamer. En gros, c'est un pack Ultra Gamer. Ouais. Voilà, exactement. Voilà. Au Japon, on aura un pack Monster Hunter comprenant également une manette classique Pro et le jeu Monster Hunter directement au lancement le 8 décembre. Tu veux dire qu'il y a un Monster Hunter sur Wii U ? Non, j'ai rien dit. On coupe au montage. Et pour accompagner cette console, on aura une série d'accessoires. Boris, je te propose de les présenter. Moi aussi, j'ai ma petite anti-sèche qui peut être inutile. Alors, donc, dans les accessoires qui seront en principe tous disponibles, bon, vous connaissez déjà les traditionnels Wiimote Plus et Nunchuck qui seront bien sûr tous compatibles. D'ailleurs, le Balance Board aussi. Tout ce que vous avez utilisé sur Wii pourrait être réutilisé sur Wii U. Quelle classe. À noter que Nintendo, dans son grand cœur, va lancer un super bundle comprenant une Wiimote plus un Nunchuck et une Sensor Bar. Pour l'instant, on connaît le prix au Japon, ça sera 5250 yens, soit l'équivalent de 53 de nos euros. Nous, elle est proposée en ce moment en prix magasin à peu près 55 €, soit une petite économie qui est d'une bonne quinzaine d'euros environ. Alors aux États-Unis, on n'a toujours pas d'infos dessus. D'ailleurs, après c'est pas vraiment important, mais ce qui nous intéresse c'est l'Europe. Le socle de charge et le socle de jeu pour le gamepad sera vendu lui aussi à part pour ceux qui achèteraient la version basique de la console à 19 € au Japon, 1890 yens, une vingtaine d'euros chez nous. Il y a également donc la fameuse manette Wii U Pro. Vous savez, celle qui ressemble un peu à une manette d'une console concurrente. Hein, on reviendra pas là-dessus. Elle sera vendue quand même, ce sera assez onéreux, ce sera une cinquantaine d'euros au Japon, 5040 yens. Les listings des magasins commencent déjà à lister à peu près entre 50 et 60 euros aussi chez nous. Ça fait quand même bien cher pour une manette, ça on y reviendra. Alors, à dire aussi le gamepad, vous savez qu'on va pouvoir jouer avec deux gamepads simultanément moyennant une grosse chute de framerate. pour l'instant, ça ne sera pas disponible tout de suite, il faudra attendre que les jeux utilisant cette méthode sortent, ce qui n'est pas encore sûr. Et ça coûtera 130 € le gamepad, ce qui est pas très cher pour une tablette, mais ça fait quand même mal pour une deuxième manette. 60 € la manette classique pro plus 130 €. Ça fait quand même 200 €, ça fait une deuxième console, autant acheter tout de suite un deuxième pack. Enfin, sachez que pour votre gamepad, il y aura tout un tas d'accessoires, écran de protection et compagnie, bientôt des petits stickers Hello Kitty et Curl. Ça aussi, ça sortira une dizaine d'euros environ. On est tous contents, et le socle de jeu pour le gamepad vendu seul coûtera 3 €. Voilà. Quand au Japon, 15 € chez nous. Voilà, 40 €. Le prix du plastique chez nous, l'import, c'est très très cher. Surtout c'est indexé au prix de pétrole. Et pour être parfaitement exhaustif, on pourrait revenir sur 2-3 spécificités de technique de la console. Iwata a commencé le Nintendo Direct jeudi matin par nous annoncer que la console aurait 2 Go de RAM. Ce qui n'est jamais arrivé depuis un moment que Nintendo commence à nous donner des chiffres techniques. Oui, c'est très très très rare. Et surtout, enfin, 2 gigas de RAM pour ceux qui viennent de l'univers PC, ils peuvent dire que c'est très peu. Beaucoup, aujourd'hui, que de base, maintenant, on a 4 à 8 gigas maintenant qu'on achète un PC. Il faut savoir que sur une console, si on compare avec la Wii, bon, c'est sûr, la Wii est quand même, c'est une GameCube améliorée. C'est quand même 20 fois plus de RAM que sur Wii. Et même si on compare avec ce qui se passe sur PS3 ou sur Xbox, sur PS3, il me semble qu'on n'est pas loin des 1 giga, il me semble. Je pense que moi, ça doit être 512 en plus. Non, c'est juste que c'est pas du tout les mêmes. Oui, en plus, de toute façon, c'est pas forcément comparable. Hein. Voilà, c'est pas les mêmes technologies intrinsèquement, et surtout, c'est pas les mêmes. On demande pas les mêmes ressources d'une console qu'un PC. Donc, il faut savoir que sur ces 2 gigas de RAM, tu auras 1 giga qui sera alloué donc à faire tourner les jeux, et un autre giga qui sera alloué à faire tourner l'OS de la console. Sachant que c'est fort probable que Nintendo, au bout d'un moment, comme il l'a fait sur 3DS, autorise les éditeurs tiers à piocher sur la RAM allouée à l'OS pour augmenter si besoin il y avait. D'accord, d'autres informations techniques ? Donc, le CPU de la console, donc apparemment, ça apparaît comme être un Radeon, si tu peux me redonner la... Je n'ai plus l'information exacte sous la main, mais c'est vrai que c'était une carte ATI Radeon, et le CPU, c'était un CPU 3 cœurs apparemment, mais... Donc là, Nintendo est quand même moins bavard sur la fréquence du processeur, ce genre de détails. Bon, la fréquence importe peu, mais le processeur s'appelle l'Espresso. Ce qui, pour une console qui s'appelle Project Café, c'est pas mal. Et qui peut dire, ça pourrait arriver d'un nouveau DLC, la DLC Senseo. J'aime bien les informations pertinentes. Je vous ai dit que c'était notre duo comique préféré à PN. Hein. Ça va le pêche ce soir. On va peut-être revenir maintenant. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des annonces. Juste peut-être dire aussi que les disques, donc, sera un format propriétaire. Oui. Un peu tiré, un peu de, qui sera de 25 gigas alloués pour stocker. Ce qui est quand même 2 à 3 fois plus qu'un DVD double couche. C'est déjà pas mal. Oui. C'est moins qu'un Blu-ray sur PS3, mais au moins ça évitera peut-être d'avoir faire plusieurs CD comme la Xbox l'a eu à faire. Donc c'est un format propriétaire, donc pas compatible Blu-ray, mais voilà, là, ça reste toujours une console de jeu. Voilà. Et voilà, et il faut dire aussi pour ceux qui s'intéressent à EDF que la mablette et la console consommera à son pic 75 watts avec la moyenne de tournera à 40. Voilà. Très bien, moi je pense qu'on va un petit peu débattre autour de toutes ces annonces. Xavier, qu'est-ce que tu as pensé déjà des annonces autour du prix ? Bon, le prix correspondait plus ou moins à ce à quoi je m'attendais. On lisait beaucoup de choses sur Internet ces derniers jours. On a débattu là-dessus. De ne pas franchir la tranche des 300€, etc. Ou on a même vu des trucs à 200€. Enfin, on a un peu tout vu ces 2 ou 3 dernières semaines. 1€ avec si vous achetez 2 baguettes chez. Mais du coup, pour moi, le prix de 300€ ou de 350€, en fonction de la version, correspond plus ou moins à ce à quoi je m'attendais. Alors après, est-ce que c'est le juste prix pour vendre une console ? On va pouvoir en discuter. Mm-hmm. Mais de la part de Nintendo, je pensais bien qu'on serait dans cette tranche de prix-là. Alors là, je suis d'accord avec toi dans le sens où, on l'avait dit, hein, on l'a dit déjà au début du PN Show, passer de la barre des 300€ aurait été une grave erreur de la part de Nintendo. Elle est faite et pas faite à la fois. C'est-à-dire que Nintendo se cache derrière, on lance un pack basique avec rien dedans. Une console, une mablette et juste un joli petit stylet blanc pour 299€. Par contre, là, vous n'avez pas de jeu, vous n'avez rien, vous avez 8 gigas pour télécharger Trine 2 ou compagnie. Donc, ils l'ont fait. En même temps, ils ne l'ont pas fait parce que tout le monde va être incité de dépenser les 50€ en plus pour avoir chez nous, notamment chez nous, un jeu en plus. 24 Go de mémoire en plus. 24 Go de mémoire en plus qui, à l'heure actuelle où les consoles font 250 Go et compagnie, 360 chez Sony, ça fait quand même peu si on veut vraiment avoir une vraie politique online. Si tu continues avec donc le fameux socle de chargement que tout le monde s'en fout, mais au moins là on est content. Peut-être pas. Enfin, c'est quoi qu'il arrive, c'est comme sur la 3DS. Je veux dire, au final, tout le monde va faire ça au début, ça va être super joli sur la table. Et au final, à la fin, tout le monde penchera le cordon pour ne pas de s'embêter à sortir le truc. Non, c'est voilà. Rien que le jeu Nintendo Land, quand on sait qu'il va être vendu, puisqu'on ne l'a pas dit d'ailleurs aussi, les jeux vont être vendus entre 40 et 70€ selon le jeu, selon l'éditeur, selon le machin. On sait que Nintendo Land sera compris entre 50 et 60€. Rien que ça justifie l'achat de 50€ de plus la console. Et surtout, voilà, Nintendo a frappé, tout le monde la voulait noire, et en noir, on l'a à 350 seulement. Mais par contre, du coup, si je vous comprends bien, le pack à 299 ne sert à rien en fait. Bah, à partir du moment où tu vas te dire, à un moment donné de la vie de ta console, tu vas avoir besoin de Nintendo Land. Parce que c'est le jeu qui apparemment te permet d'expérimenter le fameux gameplay asymétrique de du gamepad. Tu te dis, il va falloir que tu te l'achètes. Il va coûter 50 ou 60€. Tu fais 299 plus 50 ou 60€, bah t'as 250 ou 260€, ce qui, comme par hasard, est pile le prix du bundle supplémentaire. Mais pourtant, si je comprends bien, avant, quand on parlait d'un prix à 350€, ça paraissait vraiment très très cher. Ça paraissait dans la tranche haute des prix possibles. On partait quand même de 250€. jusqu'à 350 la tranche haute. Ça reste très cher dans le sens où pour 350 €, t'as 32 gigas de stockage dans ta console. C'est comme dit Boris, que ça soit 8 ou 32, limite c'est pareil, puisque de toute façon on sera obligé de mettre un disque dur. À 32, on sera obligé de mettre un disque dur à un moment donné, ça c'est certain. Si on veut vraiment faire du vrai téléchargement de jeux dématérialisé comme Nintendo semble vouloir le pousser. On rappelle dans les annonces du jour que Nintendo Land et Mario sont disponibles jour J en démat comme en version retailers. Ça. Et sachant que un jeu pourra contenir jusqu'à 25 gigas, bon, bien sûr, Nintendo Land et Mario, on sait très bien que ça va pas dépasser le quart du disque. 32 gigas en version maximum en premium, 25 gigas un jeu maximum. Ça va vite remplir le disque dur. Par contre, bien sûr, ceux qui... voilà, quelles conditions prendre le pack basique? Il y a deux conditions. Nintendo Land, on s'en fout. Le démat, on s'en fout. Le téléchargement, on s'en fout. Et voilà, s'il y a vraiment une raison de prendre le basique, c'est celui qui voudrait vraiment soit Rayman, soit Zombie U avec une console. Dans quel cas, il n'est pas forcément besoin de payer 50 € de plus. Mais c'est vrai que tout est fait pour que tout le monde va se jeter dessus sur cette console noire, surtout qui est la préférée des joueurs. Alors, c'est pas un petit peu bizarre de ne pas avoir inclus Nintendo Land dans la console, dans le pack blanc, sachant que le blanc semble plutôt destiné au casual, aux joueurs un peu grand public. Le pack, en tout cas, est plus abordable. Donc, on aurait pu penser que c'est pour les gens un petit peu le grand public. Alors qu'on n'inclut pas Nintendo Land, qui est censé être le fer de lance pour faire découvrir la console au grand public. Bah, c'est la grande contradiction de cette politique de faire deux packs différents. Un blanc plus casual et un noir plus gamer. À 299 pour rester en dessous des 300 €, à 350 pour pas aller au-delà des 350 €, parce que là les gamers diraient vraiment c'est juste pas possible quoi. Et du coup, en privant le joueur occasionnel de Nintendo Land, bah, tu en quelque sorte justifies la valeur du pack à 350 par la présence de Nintendo Land, mais du coup tu désacralises vachement le pack qui est à 299. Donc ouais, tu vas vachement hésiter si Nintendo Land t'intéresse pas, mais tu te dis en fin de compte pourquoi est-ce que je vais me limiter à une console à 299 qui sera juste une console seule, alors que pour 50 € de plus, j'ai un peu plus de stockage et le jeu supplémentaire. Revenons d'ailleurs justement au public de la Wii, qui avait acheté donc la Wii pour Wii Sport à l'époque, puis après pour Wii Fit et compagnie, mais d'abord pour Wii Sport. Ils repartaient à 249 €, ils avaient leur console, leur manette, leur jeu. Ouais. Là, vous imaginez, donc s'ils prennent juste... Est-ce que vous imaginez une famille... personne lambda, que la mamie qui jouait par exemple à Kawashima sur DS, vouloir acheter cette console à 350 € pour avoir un jeu, ou acheter cette console nue, et en plus on va dire, ah, attends, il faut que tu rachètes ton jeu aussi à côté. Je pense pas que le public soit vraiment visé, le grand public soit visé par ce. Enfin, sera attiré non plus par cette offre. Mais de toute façon, on dirait que le public visé par l'ensemble des annonces de la journée, c'est plutôt le public de fans ou de joueurs en tout cas. Parce que l'accent est quand même mis sur la console noire, le pack gamer, des jeux comme Zombie U, Bayonetta, des annonces surprises, qui indiquent que Nintendo essaie de rattraper un petit peu les joueurs. Il faut aussi se rappeler de comment Nintendo avait lancé la Wii en 2006. La conférence qu'ils avaient organisée à la mi-septembre était aussi très axée gamer du coup. Parce qu'il n'y a que eux qui le regardent, quoi qu'il arrive. Alors, il n'y a déjà que les gamers qui s'intéressent à l'actu au jour le jour. Les geeks en avaient vraiment pour leur frais cette semaine avec l'iPhone hier et la Wii U aujourd'hui. Du coup, c'est vraiment à ce public-là que ce genre d'événement est consacré. Non, mais si on reste sur la composition des packs, est-ce qu'il n'y a pas une indication que Nintendo essaie vraiment d'aller chercher le joueur? Bon, on a toujours vu Nintendo courir un peu après tous les publics. Alors ouais, là, on a un petit peu le sentiment qu'ils abandonnent un petit peu le joueur occasionnel, parce qu'il n'y a pas Nintendo Land dans le pack à 299, alors que c'est quand même un pack qui coûte 50 € de plus que la Wii quand elle est sortie. Mais d'un autre côté, le pack à 349 € est justement vendu avec la console noire, la console qui symbolise le gamer. On l'a toujours vu, on l'avait déjà parlé. C'était associé à des jeux gamer, en tout cas. Et on nous met quand même Nintendo Land dedans. C'est ça qui est contradictoire. Qui n'est pas le jeu gamer. Qui est, là, si on parle de jeu gamer, on a Zombie U. Il y aura justement un pack Zombie U. Mais là où peut-être on se trompe, c'est que de notre point de vue, avec le peu d'expérience qu'on a de Nintendo Land, c'est qu'on considère Nintendo Land comme un jeu grand public. Mais c'est alors que la façon dont ils ont présenté, par exemple, le Metroid Blast aujourd'hui, ils ont vraiment présenté ça, surtout dans la conférence américaine, on en a quand même bouffé pendant 10 minutes, ils ont vraiment présenté ça comme pratiquement un jeu complet à l'intérieur de Nintendo Land. Donc, avec une expérience de jeu assez poussée, etc., etc., même si, bon, pour ma part, je suis pas trop convaincu. Mais voilà, l'idée est sans doute là pour Nintendo de faire que Nintendo Land n'est pas forcément un jeu pour le grand public, mais bien un jeu au sens, on va pas dire noble du terme, mais un jeu complet. Mais est-ce que justement, la grosse question justement, quitte à faire un pack premium, généralement tu as le plus, donc là on a 24Go, en plus on est content, on a un jeu. Est-ce qu'ils n'auraient pas plus multiplié plutôt les packs premium, pas forcément de la couleur de la console, puisque j'en parlais tout à l'heure en off. C'est vrai qu'on n'a pas le choix. Soit on prend à 299 la blanche, soit on prend à 349 la noire. Ça veut dire que c'est vraiment un positionnement tarifaire qu'il va falloir choisir. Mais il va falloir, si par exemple on voulait vraiment la blanche, il va falloir qu'on fasse le sacrifice des socles de Nintendo Land et compagnie. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu sinon multiplier les packs avec les jeux directement? C'est-à-dire pour que celui qui peut vraiment commencer avec la console, qui ne veut pas forcément compenser avec Nintendo Land, aurait pu commencer avec Mario, aurait pu commencer avec Zombie U, aurait pu commencer avec. Sans avoir forcément à prendre en plus le pack encore au-dessus, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette approche de multiplier les packs pour que chacun puisse trouver le petit bundle qui correspond à ce qu'il aime, quoi. Au moment où tu lances une console, quand tu vas t'attaquer à trois marchés en même temps, les trois plus gros marchés du monde, tu dois essayer de faire en sorte que ton outil industriel puisse produire en masse pour ces trois marchés de la façon la plus simple possible. Nintendo, avec la Wii, ils se sont fait un petit peu attaquer par le public en disant vous ne sortez qu'un seul pack avec Wii Sports, ou pas Wii Sports hein, si on est au Japon, mais du coup un seul pack. Du coup ils se sont dit on va quand même essayer de faire un effort avec la Wii U en proposant deux consoles, l'une blanche, l'une noire, une qui est un peu plus avec une capacité de stockage un peu plus évoluée, mais en faisant donc l'effort de proposer quand même deux packs. Ça veut dire que tu vas monopoliser deux lignes de production différentes avec une console blanche et une console noire, et du coup, tu es obligé de te limiter en termes de différents packs que tu peux proposer, simplement parce que tu peux pas prendre le risque au moment de la sortie d'une console sur la planète entière d'avoir un pack qui se vend pas parce qu'il intéresse finalement personne et ça que tu l'as pas pressenti, et d'en avoir un qui serait en rupture de stock permanente. Justement, parce que c'est pas le risque que tout le monde veut. C'est pas le risque avec ce pack à 299€, du coup. Il a tellement l'air inutile qu'il veut. Il a une seule justification, de toute façon. Il est là pour justifier le prix de 350€ du deuxième pack. Il va pas se vendre. C'est un pack qui est là juste simplement pour faire passer la pilule. Pas forcément. Il va se vendre auprès de ceux qui ne sont pas intéressés par Nintendo Land, et qui savent qu'ils auront un usage relativement occasionnel de leur console. C'est-à-dire sans doute les gens qui vont se dire « bah moi, je vais m'acheter Mario, m'acheter... » C'est là que c'est faux. Mais parce comment on fait justement si on n'est pas intéressé par Nintendo Land, mais on voulait la console noire? Bah t'as pas le choix. C'est la sortie d'une console. Tu sais qu'en général, en 2006, on n'avait pas le choix de la couleur non plus. Mais en 2002, pour la GameCube, on l'avait. Oui, mais c'était une autre époque. De toute façon, je pense que ces deux packs ont été définis par Nintendo. Après, sans doute pour des raisons qui leur est propre. Alors, sans doute que la console blanche sert sans doute à justifier le prix. 350€, ça fait passer le fait qu'on passe sous la barre des 300€. La console blanche, c'est quand même le prix plancher à 300€. Donc, ça permet quand même de rester plus abordable, en tout cas, que effectivement 350€, où ils ont rajouté quelques bouts de plastique et la mémoire flash. Nintendo Land, après, ça sera au choix des clients potentiels. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie pack, composition du pack, et on va passer plutôt maintenant aux jeux du lancement, aux jeux qui ont été dévoilés pour la période de lancement. Notamment, on va peut-être commencer par Nintendo Land, justement celui-là qui fait tant parler dans les packs. On a enfin les 12 titres des jeux. Ouais, enfin. Donc on a du Zelda, du Luigi, Animal Crossing, Donkey Kong, du Mario, du Metroid, Balloon Trip, Octopus, que tu semblais... Bon vieux Game & Watch. Du Pikmin, du Yoshi, Takamaru Ninja Castle et Captain Falcon de F-Zero. Donc on a vraiment de quoi faire. Quant à Star Fox. Quant à Star Fox, il sera pour plus tard. En DLC. Alors, je pense que je vais commencer par toi, Boris. Toi qui es le plus grand fan absolu de Nintendo Land depuis l'annonce du jeu, ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ces mini-jeux et de ce jeu? Alors je retiendrai que d'un coup on nous dévoile tous sans nous dévoiler les jeux, c'est que ça me laisse à penser quand même qu'il risque d'y avoir peut-être un petit niveau inégal aussi entre... Il y en a l'air qu'on l'a beaucoup mieux fini que d'autres, d'ailleurs on l'a vu aujourd'hui pour Metroid justement, que tu parlais qu'on l'a vu pendant une bonne dizaine de minutes. Si on compare hein, pour Luigi's Mansion... ou même Animal Crossing, où il a l'air beaucoup plus bâclé, esthétiquement déjà parlant. il a l'air beaucoup plus brouillon en termes de volonté de gameplay. On rappelle donc pour Metroid Blast, ça va être surtout du shoot en fait à plusieurs. Enfin, ça va être du combat par équipe ou en arène. Enfin, c'est. En fait, t'auras différents modes de jeu. En mode shoot 'em up dans les airs ou sur terre, uniquement sur terre. Enfin, voilà, c'est un jeu de tir. Donc voilà, donc c'est vrai. Quand on voit un peu les noms qui semblent apparaître, moi je retiendrai un qui vient d'arriver, c'est Mario Chase. Je pensais que tu y reviendrais. Ouais. Celui-là, c'est celui justement qui me tentait le plus, puisqu'il me tentait déjà à l'époque où il s'appelait Chase Me. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était lors de l'E3 2011 maintenant. On ne rajeunit pas. C'était la petite démo qui était présentée lors de la présentation de la Wii U, et pour ceux qui avaient la chance d'être à Los Angeles cette année-là. C'était un cache-cache. Quelqu'un qui, donc, celui qui avait la mablette était celui qui devait aller, qui était censé se cacher. Il avait une vue d'ensemble sur tout un labyrinthe, pendant que les autres qui jouaient à la Wiimote avaient la vue sur la télé, et donc avaient juste la vue de son personnage sur, en fait, une vue en mode FPS, quoi. Comment dire, c'était celui qui m'intéressait le plus. Je trouvais que c'était une très très bonne idée par rapport à l'utilisation des deux écrans, et le fait qu'il ait été ramené dans Nintendo Land sous Mario en plus, qui devrait faire plaisir à Xavier. Non, je trouve que c'est seulement celui qui devrait faire le plus grand wow effect du. Et est-ce que finalement, auprès du grand public. Xavier, est-ce qu'on est face à une compilation de mini-jeux, ou est-ce qu'on est comme Shibata l'a dit durant le Nintendo Direct, que c'était 12 jeux relativement indépendants, avec chacun ses modes de jeu, sa durée de vie, etc. Est-ce qu'on est face à des mini-jeux, ou est-ce qu'on est 12 vrais jeux? On est face à des mini-jeux relativement évolués. D'accord. Pour un titre de lancement de la part de Nintendo. On n'avait jamais vu aussi bien. Et comme nous l'avons vu avec nos équipes marketing, on nous le présente bien comme un jeu qui contient des mini-jeux complets. Chaque mini-jeu va sans doute avoir plusieurs modes, plusieurs finalités. Il y a des jeux qui se jouent tout seuls, d'autres qui se jouent à plusieurs. Donc on voit qu'il y a quand même un vrai effort de la part de Nintendo d'essayer de nous proposer des expériences différentes. Et donc un jeu qui justifiera son prix de 50 euros. Mais après, il faudrait jouer à tous et voir s'il y en a un sur lequel on passera des heures. À partir du moment où tu vas en avoir un sur les 12, où c'est celui, ah tiens, on se fait une petite partie de ça, comme on a fait avec Wii Sports quand il est sorti. Mm-hmm. Je veux dire, qui n'a pas dit, tiens, on se fait un petit tennis ou un petit bowling sur la Wii quand la console et le jeu sont sortis. Sauf que la différence, c'est que le jeu était offert. Là, pour ceux qui achèteront le mode basique, est-ce que justifier 12 mini-jeux, l'achat d'un jeu à 50 ou 60 euros, j'en suis pas sûr, surtout à l'époque de maintenant, de l'iPad justement, ou des téléphones portables, où un mini-jeu coûte 79 centimes, allez justifier, voilà, vous avez, c'est l'univers Mario, vous êtes tous contents, il y a du Pikmin, il y a du Mario, il y a Luigi, il y a Yoshi, pour 60 euros, ça fait quand même très très cher le mini-jeu. Après, il faut. On est complètement. Troublé par la politique tarifaire des jeux vidéo aujourd'hui, avec les jeux en démat sur iPad ou iPhone ou sur son smartphone, mais du coup on ne sait plus exactement à combien on devrait payer un jeu vidéo. Mais justement, est-ce que ce jeu-là, si on prend des exemples concrets, est-ce qu'il vaut autant ces 60 euros qu'un Zombie U ou chez la concurrence qu'un Uncharted, que des gros jeux qui décident des millions, alors que ça, c'est pas non plus en recherche développement, c'est pas non plus ce qui est. Je pense qu'au contraire, je pense qu'en recherche et développement, c'est un jeu qui demande énormément de ressources, dans la mesure où chacun des jeux va avoir ses propres visuels, ses propres règles, son propre gameplay. Petit travail chez Nintendo. Je commence à m'habituer à l'idée que je vais devoir tester ce jeu. Donc j'essaye de l'aimer. Non, mais au fond de nous tous, je pense qu'on est quand même intrigué, on est quand même curieux de tester ces 12 mini-jeux. Moi, du moment qu'on me le vend avec la console, c'est pour je suis preneur. C'est pour ça que Iwata a préparé un pack rien que pour toi. Voilà, il m'a écouté. Il est quand même gentil, hein, c'est ton. Bon, on va passer à un jeu qui va faire plus. Mais juste pour revenir sur une dernière chose sur Nintendo Land, est-ce que ce jeu-là, je continue à dire qu'il aurait été beaucoup mieux en démat à une trentaine d'euros. Ça aurait été une bonne promo pour l'eShop et Non. Ouais, vas-y. Non, je commençais par la réponse. À partir du moment où tu vas le proposer quand démat, tu vas intéresser seulement les gens qui vont prendre le temps d'aller voir ce qu'il y a sur la plateforme de vente en téléchargement. Et quand on voit un peu les chiffres qu'il y a sur Xbox maintenant ou sur PS3, maintenant tout le monde se connecte. Maintenant c'est devenu une habitude. Oui, mais on en peut définir tout le monde même sur Xbox. Même le grand public maintenant a pris l'habitude d'aller acheter son jeu sur son iPhone, sur son système Android. Non, bah ils auraient pu peut-être l'inclure directement dans la mémoire flash. Ça doit être voilà. Un jeu qui prend des gigas, ça doit faire 300 MO. Peut-être que sur la console en elle-même, ça aurait permis. Bon, je suis pas sûr qu'il soit aussi léger parce que, chaque jeu doit faire son petit pesant cacahuète. Mais je crois que c'est sceptique. Mais je pense que. Je pense que le jeu est bon en plusieurs. Voilà. Hein. Mais voilà, c'est pas du tout un jeu solo et c'est pas du tout un. Quoi que, durant. Et l'absence d'online risque d'être préjudiciable. Il y a certains jeux où ils ont annoncé que. Ils sont pas forcément conçus pour le solo, mais qui seraient adaptés en tout cas pour les parties solo. D'autres seront plutôt des jeux de compétition, d'autres de coopération, et certains plutôt pour le solo. Donc je pense qu'il y a dans les 12 mini-jeux, chacun aura pour son argent. On aura un peu de tout en fait. Donc. Mais il y a quand même un regret qu'on pourra avoir, c'est de ne pas avoir offert le jeu à tout le monde. Oui. Si tu veux en faire l'ambassadeur de ta console, tu dois le donner à tes clients. Voilà. Et après, oui, t'as un problème parce que tu peux plus justifier ton pack à 350 €. Voilà. Et ben, tu trouves une autre solution. On va pas revenir sur le débat des packs. On l'a refermé tout à l'heure. On va passer à un deuxième jeu qui va peut-être pas faire l'unanimité non plus puisqu'il s'agit du prochain Mario. Comment ça, il va pas faire l'unanimité? Tu l'as pas vu? Alors, à ma droite, 20 sur 20. À ma gauche, 13. Voilà. Non, alors. C'est qui avait? Alors on va laisser parler le passionné, le patron. Ouais. Alors Mario, ça fait déjà quelques jours qu'on en a entendu parler. Il y a eu une preview extraordinaire dans Game Informer. Ah, j'ai cru que t'as prévu sur Nintendo. Non mais c'est pas une preview que j'ai faite, c'est un focus. Donc je rappelle la définition du focus. Il s'agit d'un article basé sur des choses qu'on a lues sur Internet à propos d'un jeu, mais sans avoir pu y jouer. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'était un focus basé sur la preview parue dans A Game Informer, qui était une nouvelle preview exclusive du jeu. Et qui t'a donné envie de... Ah mais clairement, je suis super fan. Qu'est-ce qui t'a fait... Enfin, tu étais déjà bien fan avant, mais qu'est-ce qui t'a encore donné plus envie d'y jouer de... Ben c'est cet aspect Mario qui est un condensé de plein de super trucs qu'on avait dans les jeux Mario d'avant. Par exemple, la carte... qui est un hommage à Super Mario World. C'est quelque chose qu'on n'avait pas revu depuis Super Mario World. À la limite, ils auraient fait un système comme dans New Super Mario Bros. Sur 3DS. J'aurais acheté quand même. C'est pour le clin d'œil. Mais disons que le clin d'œil est quand même super sympa, et le fait que tu puisses voir toute ta carte comme ça d'un coup d'un seul, ben rend le jeu d'un coup super vaste et te donne envie de l'explorer et d'aller foutre sa raclée à Bowser. Et en termes de nouveautés, de mode de jeu, est-ce qu'il y a des nouveautés en tout cas par rapport à la version qui est sortie en août, sur 3DS, on insistait beaucoup sur l'aspect pécunier du jeu, où il fallait récolter un maximum de pièces d'or. Dans la nouvelle version sur Wii U, cette fois, on va plus jouer sur la notion de coopération, parce qu'on pourra toujours jouer à 4, mais avec des nouveaux modes. J'ai oublié les noms parce qu'ils sont en anglais. Le boost mode. Le boost mode et la rue est vers l'or. Ok, pas un nom anglais. Un certain jeu qui est sorti. Oui, c'est vrai, longtemps. C'est vrai. Pourquoi ruer vers l'or? C'est tout simplement parce que plus on va récolter de pièces, et plus le niveau va défiler vite. Alors, bien sûr, quand on joue à 4 dans le mode normal, on progresse à son rythme, au rythme de celui qui est devant en général, les autres derrière, ils continuent de courir. Toute la caméra. Donc la caméra recule, etc. Mais du coup, avec Ruée vers l'or, en fait, le niveau avance seul, et plus on récolte de pièces, et plus ça avance vite. Voilà. Donc, c'est votre objectif sera d'atteindre 1 milliard de pièces en 8 minutes. Et comment Nintendo profite ou utilise en tout cas le gamepad Avec l'autre mode, le boost mode, qui consiste à avoir un joueur qui lui utilise le gamepad et place des blocs pour des plateformes. Aider, c'est ça. Pour aider, l'idée c'est d'aider. D'aider, officiellement. C'est le super guide. Mais c'est pas le super guide, mais disons que l'idée c'est vraiment d'aider le joueur à avancer dans le niveau, à atteindre certaines plateformes, etc. Mais aussi, on peut l'utiliser pour mettre une plateforme juste au-dessus de Mario au moment où il va sauter, tu vois. D'accord. Voilà, c'est un peu en fonction de si on aime bien la personne avec qui on joue ou pas. D'accord. Alors pourquoi est-ce que je suis plutôt fan ou bon client du jeu? C'est d'une part parce que je trouve que les visuels sont quand même super sympas. C'est super coloré, c'est vibrant. C'est pas riche parce que bon derrière on sent que vous aurez quand même pu faire quelques efforts. Mais disons que retiens-toi. 30 secondes Boris. Retiens-toi. Regarde ta montre. On est encore ici, c'est le camp des 20 sur 20, hein, n'oubliez pas. Faut que je les tienne hein, parce que c'est pas facile hein. Mais disons que voilà, c'est très fidèle à Mario et ça fait quand même super plaisir de trouver Mario. D'accord. Dans un jeu en haute définition. Alors, on va rester sur cette note positive pour regarder le trailer. Ensuite, on parlera avec Boris et j'ai un petit peu peur du résultat, mais on regarde le trailer. Ces images t'ont pas donné envie de jouer au prochain Mario ? Bon, on va dire qu'il y a deux raisons pour le fait que je suis un peu moins optimiste que toi. Autant, bon, j'ai fait le test pour PN du dernier Mario sur 3DS. Je l'ai bien aimé, mais je perds l'enthousiasme. C'est, pour moi, il y a un gros souci. C'est pas forcément le jeu en lui-même. C'est que ça me fera mon troisième Mario depuis l'année dernière. Là, je commence à m'essouffler. Là, j'ai plus l'attente, j'ai plus l'envie, j'ai plus le... me réenchaîner un Mario, un deuxième New Super Mario Bros. En 6 mois, même s'ils n'ont pas vraiment en raccord l'un et l'autre. J'aimerais bien respirer, passer à d'autres jeux. Et comment dire, c'est vrai qu'ils sont sans... je comprends qu'il y a un trop-plein peut-être de New Super Mario Bros, mais est-ce que le jeu n'a pas des qualités quand même? Non, comme je dis, je me suis régalé sur le dernier Mario sur 3DS, parce que c'est toujours un Mario, le level design est toujours très bon, mais là par contre j'ai quand même peur d'un truc, je sais pas si on l'a vu dans le trailer ou pas, mais il y a quand même, dans le trailer qu'on a vu aujourd'hui lors de la conférence, j'ai peur que le level design du jeu soit plus intéressant à plusieurs que seul. On l'a vu, il y a un passage où il faut récupérer des 8 pièces rouges et tu peux pas récupérer si tu n'as pas les blocs aid du mode comment il s'appelle déjà ce mode, boost mode. J'ai oublié, boost mode. Ah, bah, moi, j'ai un problème avec l'anglais. Non, j'ai peur que le level design soit vraiment plus Accès multijoueur, c'est ça. C'est le gros souci. Il faudra voir vraiment si c'est des niveaux séparés, dans quel cas il y a vraiment un mode solo et un mode multi, ou c'est vraiment des grandes maps. Non. Après, sur la version Wii, la première, le premier sur Wii, le jeu était quand même accès multijoueur, mais se faisait totalement en solo. Il y a beaucoup de détracteurs à la version Wii, mais moi je l'adorais. Personnellement, je l'avais adoré. Elle était difficile. Au début, ça commençait comme d'habitude, comme tous les Mario, assez facilement, mais il y avait une vraie difficulté, un vrai challenge derrière. Non, c'est juste le fait, là, c'est peut-être le Mario de trop. C'est le Mario de trop. Et graphiquement, ça reste quand même très pauvre. Ils ont essayé de faire un joli décor derrière, mais ça sent le travail vite fait. Enfin, ils ont... Moi, je pense qu'il ne faudrait pas forcément être catégorique là-dessus. Il faudrait peut-être voir le jeu vraiment tourner pour se rendre compte des décors. Ils sont peut-être moins... innovant que Rayman Legend par exemple, mais il semble quand même plutôt travailler. Comme je dis, j'ai un gros souci avec celui-là. C'est le fait, ça sent le travail, mais ça sent le travail, il faut qu'on soit là à la sortie. On sait que ça aurait pu être quand même beaucoup plus explosif, des effets un peu. D'ailleurs, tu parles de Rayman Legend, il faut voir Rayman Legend en un an, l'évolution qu'il a pris. Rien que le moteur Ubi Framework qui était juste extraordinaire, qui a pris encore des effets de champ mais incroyables. Là, on sent que Nintendo se repose sur ses lauriers, prépare probablement un Mario plus HD, HD, un nouveau Mario 256, après 128. mais voilà, je vais le prendre, parce que Mario, ça reste Mario. Je vais probablement l'aimer, parce que Nintendo fait quand même du boulot derrière, justement, comme je disais, en level design qui est plaisant. Mais il y a quand même un que j'attends beaucoup plus. Voilà. Bon, alors c'est vrai que on a l'enthousiasme débordant de Xavier peut être un petit peu plus nuancé, même si finalement avoir un Mario au lancement, c'est quand même. On a reproché ça à la 3DS. Et on viendrait dire qu'on n'est pas content de l'avoir. Voilà, alors par contre, on a super, on a Mario au Day One, mais on a également un autre jeu de plateforme au Day One, c'est Herman Legend. Et là, par contre, t'as un avis qui est tyrambique là. Juste incroyable. Rayman Legends, il sort un an après Rayman Origins, et là c'est complètement tout le contraire de Mario. On essaie toujours d'innover, on essaie toujours de enfin, c'est juste incroyable. Le progression repousser les frontières. On va peut-être le voir là sur les images qui vont bientôt arriver. Rien qu'au niveau du, je parlais du Ubi Framework, le moteur de Ubi, juste extraordinaire. Il a été encore poussé, mais on voit des effets de champ, mais à perte de vue. Un nouveau grain aux couleurs beaucoup plus pastel, beaucoup plus clair. Le jeu en devient beaucoup plus lisible. Une rapidité d'animation juste incroyable. Enfin, des idées de gameplay. Là, pareil, on parle d'ailleurs du gameplay asymétrique. On peut parler du gameplay asymétrique, qui a beaucoup mieux assimilé par Ubisoft. On peut regarder, par exemple, sur Super Mario Wii U. Il a essuyé de toucher, on va voir des blocs, c'est grossier, qui vont apparaître à l'écran. Alors que là, c'est carrément en fait un autre personnage, mais un personnage d'aide qui va venir essayer de vous récolter les looms, qui va venir couper les lianes pour faire tomber une passerelle. Après, je vais peut-être modérer un peu ton enthousiasme, mais tous les niveaux seront pas comme ça, jouables à deux et tout. Niveaux qui seront conçus dans cette optique d'avoir un gars sur son gamepad qui t'aide à progresser. Tu vois, tandis que Mario, le boost mode, tu pourras avoir quelqu'un qui va donner un coup de main à n'importe quel moment. T'es en train de jouer, t'as ton petit frère qui arrive, il peut jouer avec toi. Tu vois, l'approche est pas la même. L'approche est pas la même dans le sens où même où il y a quand même sur Rayman Legends, ça reste quand même deux jeux qui sont très similaires. C'est deux jeux qui se veulent plateforme multi. On sait que Rayman Origins a sa grande force, le multijoueur à 4 sur console HD. Non, il est quand même beaucoup plus abouti, il y a beaucoup plus de travail, il y a beaucoup plus d'idées. Les niveaux musicaux, ils sont juste extraordinaires. Dans la conférence, il y a une interview de Michel Ancel qui revenait dessus avec l'adaptation de la musique en fonction du level design du niveau. Encore un boulot de Christophe Herald qui était mais fabuleux. Non, le duo, il est juste magique. Et là, il est en train d'amener Rayman très très loin et à des niveaux stratosphériques par rapport au Mario qui sort en ce moment. Je pense qu'on va regarder un tout petit extrait d'un trailer qui a été diffusé il y a deux jours, donc un petit peu avant la fameuse journée du 13 septembre, où justement, ça expliquait très bien, ça illustrait très bien en tout cas tes propos sur l'utilisation de la musique au service du level design. Et surtout, le bonheur qu'ils ont à développer ça. On sait que Michel Ancel, c'est sûrement l'un des développeurs tiers les plus enthousiastes sur la Wii U, et ça se ressent, c'est que du bonheur. Ça transpire la joie de vivre. Vous allez voir. Sur Rayman Legends, est-ce qu'on n'a pas quand même un souci? Deux jeux de plateforme d'une qualité, quand même, je pense que les deux jeux seront extraordinaires. Alors, le fait qu'on ait deux jeux de plateforme qui sortent au Day One n'est pas un souci. Le fait que nous n'ayons pas des finances infinies est, lui, un souci. Et il y en a forcément peut-être un qui risque de passer à la trappe. Ouais. J'ai bien peur que ça soit probablement celui qui a été fait avec le plus de passion, avec le... Ouais. Enfin, on a une explication économique à ça. C'est pas parce que on pense que les gens vont préférer Mario à Rayman. Il y a quand même ça quand même dans l'univers rien que pour les enfants. Mario, c'est Mario. 30 secondes. Juste, je pense que tu es d'accord avec moi. Le plus abouti des deux, enfin celui qu'on le sent le plus maîtrisé, ça reste quand même le prochain Rayman plutôt que le Mario. Même si, comme je dis, toi, tu vas adorer le Mario, mais le Rayman est... Ne prenez pas les 30 secondes du temps de parole, avec monsieur. Avec le plus de passion. Le souci, c'est que Mario a une telle aura qui va se vendre par palette entière, et j'ai peur que le Rayman soit le délaissé de ces deux jeux. Parce qu'il y en a deux, il faut en laisser un. La parole... Je pense que les gens vont, en effet, préférer Mario, ne serait-ce que parce qu'un jeu Mario ne baisse pas de prix dans les 5 ans qui suivent, tandis qu'il y a quand même de grandes chances pour que Rayman, quelle que soit sa performance, voit son prix baisser rapidement moi, après la sortie. Je suis peut-être naïf, mais je vais dire que les deux jeux vont marcher, et ils vont même marcher sur un temps quand même beaucoup plus long que juste un mois ou deux mois après la sortie, surtout pour Mario qui va se vendre très longtemps. Ah, et Rayman aura sa chance, puisqu'il a quand même conquis pas mal de public. Mais surtout, il risque de sortir, à mon avis, il ne sera pas exclusif... à vitam aeternam sur la Wii U. Ça va sans doute dépendre de fortes du succès, chances du succès de le voir débarquer. Mais on souhaite bonne chance Aux deux jeux. Mario a pas forcément besoin qu'on lui souhaite bonne chance, mais Rayman, si quand même, je Ubisoft pense qu'il faut l'encourager. Ubisoft a du mérite justement à proposer un tel jeu de face. Voilà. Et Nintendo est d'ailleurs sans doute sympathique de laisser Rayman au Day One aussi, parce que peut sans doute pour remercier Ubisoft de la présence de Rayman et d'un autre jeu exclusif à la Wii, c'est Zombie U. On va arrêter notre petite phase sur Rayman Legends et parler de Zombie U en quelques mots. Le deuxième jeu Ubisoft exclusif Wii, également présent le 30 novembre. Donc là, on est quand même au troisième jeu exclusif, mais d'une qualité normalement très très bonne. Un jeu prometteur et attendu comme un peu comme le Messi pour les Survival Horror. Il a l'air d'être le Resident Evil que ne sera pas Resident Evil 6. Ni le 5. Ni le 5. Ni peut-être le 4 déjà. C'est bien qu'on ait manqué de chiffres. et je pense que c'est surtout intéressant dans le Zombie U, tu peux peut-être y revenir un petit peu, c'est l'utilisation du gameplay symétrique. Encore une fois, c'est Ubisoft qui est aux premières loges. Une nouvelle fois, Ubisoft montre tout son talent à développer sur cette console. Ubisoft Montpellier en plus, surtout. Encore une fois. Tout le studio dirigé par Michel. On recevra un jour sur le plateau, hein, à Michel. Voilà. Oui, si tu nous regardes, Michel. Le numéro s'affiche en bas de notre fréquence, tu peux nous appeler. Non, pour revenir donc à Zombie U, c'est donc on a une nouvelle vidéo lors de ce Nintendo Direct qui nous montrait une nouvelle fois le gameplay asymétrique, surtout pour les armes. Donc on le savait déjà qu'on allait utiliser les armes de façon asymétrique en ciblant avec notre Wii U Gamepad en face de l'écran. Là, on a vu donc le sniper, une petite mitraillette. Enfin, ça a l'air d'être encore une fois bien assimilé. Alors, juste graphiquement, le jeu a l'air d'être un peu techniquement faible par rapport au standard d'aujourd'hui. Mais le tout a l'air cohérent, reste cohérent. Et si le gameplay marche bien, on pourra lui pardonner ce défaut. Très bien. On va s'arrêter là sur Zombie U également, parce que le temps va nous manquer. Pour parler des autres jeux du lancement, de la fenêtre de lancement, en quelques mots, on va préciser que au lancement, le 30 novembre, donc on aura plusieurs jeux. Alors, je vais citer ceux dont on n'a pas parlé. Mm-hmm. FIFA 13 et Mass Effect 3 d'Electronic Arts. Mass Effect 3 d'ailleurs, qui contiendra quelques bonus par rapport aux versions sorties en mars dernier sur PS3 et 360. Notamment une BD interactive pour nous raconter un peu le début de l'histoire de ce jeu pour ceux qui n'auraient pas fait les anciens volets, et surtout les fins alternatives qui sont sorties récemment à la vindique des joueurs mécontents. Et puis après on aura trois jeux qui seront eux disponibles en téléchargement, on en parlera peut-être après. Pour peut-être parler des autres jeux prévus pendant la phase de lancement. Voilà. C'est donc tous les jeux qui vont sortir d'ici le mois de mars. Mm-hmm. entre donc le 30 novembre et la fin mars. Certains, on sait qu'ils arriveront plutôt l'an prochain, comme Alien Colonial Marines ou Pikmin, malheureusement. Pikmin et Game & Wario. Donc ça, c'est sûr que c'est l'an prochain. Mais alors, des jeux qui arriveront sans doute plutôt fin novembre, début décembre. On a du Batman, du Darksider, Epic Mickey 2 qui fait son apparition sur Wii U. Dance 4, Lego City, Madden NFL. Lego City qui était un jeu qui était important pour Nintendo, puisque c'est le premier jeu éditeur tiers à avoir été annoncé en 2011. Et pour cela, Nintendo marque le coup. Nintendo semble le soutenir justement. Oui, il marque le coup. Pour les premiers acheteurs du jeu, on aura le droit à une petite. Un petit Lego personnage exclusif du personnage principal du jeu. C'est une petite attention tout à fait sympathique. On s'en fout. On s'en fout, sauf si on collectionne les Lego. Voilà. Comme mais tu disais, Il y en a, ça existe, il y en a beaucoup, mais voilà, sinon on veut dire ça reste un peu cheap quand même. Après d'autres jeux, Madden NFL, Marvel Avengers. Peut-être regarder ceux qu'on pourrait mentionner. J'en vois pas. Les lapins. Les lapins crétins, Monster Hunter, mais on reviendra après. Ils sont absents du lancement. On a quand même sur la période novembre mars une cinquantaine de jeux à peu près. Est-ce que vous pensez, en quelques minutes, en 2-3 minutes, est-ce que cette line-up de lancement, donc le lancement immédiat et la fenêtre de lancement, vous semble cohérente? Est-ce qu'elle semble, on va dire, plutôt grand public, plutôt joueur? Est-ce qu'elle attire tous les publics? Alors, elle est cohérente dans le sens où elle rattrape un peu tous les gros jeux de cette fin d'année, même du début. On va dire que le Batman et Mass Effect étaient peut-être dispensables tellement maintenant on le trouve à très peu cher sur les autres consoles et il commence déjà à se faire un petit peu vieux. Et ben on peut rater, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, il y aura Darksiders. Et donc il y a le FIFA, il y a le. Alors on a oublié il y a le Call of, il y a le Call of, il y a le Assassin. Il y a Bayonetta qui est aussi prévu. Mais ça, on parlera plus tard, c'est voilà, mais là, c'est vraiment pour le lancement. Ah ouais. Le fait qu'il y ait déjà les trois gros hits de Noël, c'est-à-dire Call of, Assassin et FIFA. C'est très très, on va dire, c'est très très avantageux pour la Wii U dans le sens où elle va enfin bénéficier du soutien dont elle a besoin, c'est-à-dire des gros jeux fédérateurs de millions de ventes. C'est-à-dire que les gens n'auront plus peur d'aller chez Nintendo s'ils devaient changer de console, de peur de ne pas avoir les jeux justement qu'on peut partager entre amis, des jeux grand public. C'est déjà une bonne nouvelle qu'ils y soient au lancement, même si ils sont sortis 2 mois avant sur cette console. Ils sont là et ça veut dire que les prochains seront là. C'est ça qui est très important. Et de mémoire, est-ce que ce lancement, cette line-up de lancement est plus intéressante que le lancement de la 3DS à l'époque ou plus loin que lorsqu'on a GameCube? Indéniablement, la 3DS indéniablement. Oui, il n'y avait rien à la 3DS quand elle est sortie. C'était Pilot Wings en démo technique, Nintendo pour les enfants et Street Fighter pour les gamers. Mmh. C'était très très faible. Mmh. Par contre, si on peut comparer à la Wii aussi était très faible au final puisqu'on a eu Red Steel et Zelda en porte-drapeau. Zelda qui était extraordinaire. Red Steel qui avait déçu, même s'il répondait au final, entre guillemets, à la promesse. Et après, on n'a rien eu pendant 6 mois. Mais par contre, il est peut-être un peu moins bon que celui du GameCube en 2002, qui était à foison, avec du Luigi Mansion, Rosewind Wave Race, Pikmin juste un mois après, avec Smash Bros. D'un côté, là, on a quand même on va dire 5 gros jeux, plus Pikmin qui arrive en début d'année. Enfin, on a un petit peu de visibilité. Mais une line-up qui est quand même peut-être pas aussi intéressante que la GameCube à l'époque, mais qui s'y rapproche en tout cas plus que le lancement de la Wii. Du premier du nom. En termes de variété, oui. Je pense qu'on est quand même relativement proche du nombre de genres tels qu'ils étaient représentés sur la GameCube à l'époque. Par contre, il ne faut pas s'étonner que les éditeurs puissent râler derrière, puisqu'il y a quand même des jeux exclusifs, surtout ceux d'Ubisoft et ceux de Nintendo, qui risquent de pomper quand même beaucoup. De monopoliser l'attention, en tout cas. Et le porte-monnaie. Il va y avoir beaucoup de jeux qui ne vont pas se vendre. C'est même des bons jeux. C'est juste qu'ils sortent peut-être un petit poil trop tard ou ils n'attirent pas l'attention à cause des exclusivités. Et pour compléter cette line-up de jeux boîte, on a des jeux dématérialisés sur l'eShop. On a 3 jeux, notamment Train 2, donc c'est ton coup de cœur depuis un moment. Oui, j'avais fait sur PlayStation 3, c'est juste une tuerie. Cette version Wii U s'annonce encore. Ça s'annonce encore plus avancée, on peut peut-être d'ailleurs le voir en image là, graphiquement, mais c'est fabuleux ce qu'ils ont fait. La direction artistique est tout bonnement monstrueuse. Le gameplay, c'est un gameplay platformer à énigmes, je l'avais déjà expliqué dans les précédents. On joue un mage, un chevalier. C'est un jeu que tu conseilles absolument. C'est un jeu, s'il est vendu au prix où on le trouve d'habitude, c'est entre 10 et 12 euros. Ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, le Train 2 Director's Cut, il faut le faire. C'est un jeu, un platformer pas cher, une durée de vie qui est quand même une bonne dizaine d'heures. Il est fabuleux. Il est fabuleux. C'est... Pour compléter ça, on a du Tokitori 2. Donc La suite d'un jeu Game Boy sorti dans les années 2, début 2000 sur Game Boy Color. C'est une sorte, pareil, c'est un platformer anime. Et je pense qu'il était sorti sur les smartphones, non, le premier du nom, il me semble. Je sais pas, je suis pas smartphone. Et puis on a une surprise, je crois que c'est la première fois qu'on en a entendu parler, c'est Nano Assault Neo de Shinen. Un petit shoot'em 3D. Un développeur allemand qui a fait des très bons jeux sur GBA et DS et 3DS, Nano Stray. C'était Iridion. Pour ceux qui possèdent une 3DS, c'est ceux qui ont fait Fun Mini Golf, c'était le premier jeu 3DS. Mais c'est vrai qu'ils étaient surtout spécialisés depuis toujours dans les shoot'em up. Et donc là, ils sortent une version eShop qui est là vraiment assez intéressant. Un shoot'em up 3D avec. En plus, on utilisera le gamepad pour modifier l'angle de tir de notre vaisseau, etc. Pour ceux qui aiment les shoots comme moi, ça sent tout bon. Pour compléter ces jeux eShop, on peut préciser que deux jeux seront disponibles en dématérialisé. Ouais. Donc, les jeux Nintendo. Les jeux Nintendo. New Super Mario Bros. U et Nintendo Land seront proposés sur l'eShop. Et on ne sait pas du tout pour les éditeurs tiers si. Pas encore. Est-ce qu'on nous dit, bon, c'est par exemple que Ubisoft avait suivi sur 3DS pour Rayman Origins quand il est sorti en juin. Bon, ça va suivre. D'accord. Et Nintendo est revenu pas mal sur sa politique online au travers notamment du Nintendo Network et de quelque chose qui est nouveau, le Nintendo Network Premium. Alors, qu'est-ce que c'est, Xavier? Moi, j'ai un peu l'impression que c'est la fausse bonne idée de la journée. Mais bon, ça fait classe. Si vous achetez la console qui coûte 350 euros, on vous offre l'incroyable privilège de bénéficier de 10% de cashback sur vos achats de jeux en téléchargement. Que vous pouvez ensuite réinvestir par tranche, je crois, de 5 euros minimum. En gros, voilà, on cumule, dès qu'on a cumulé 500 points, soit 5 euros. Vous pouvez dépenser cet argent sur l'eShop pour acheter ce jeu. Mais donc, ça marche uniquement sur les jeux achetés de façon dématérialisée. Donc, si j'achète Mario en magasin, j'aurai pas 10%. Vous n'aurez pas, cher monsieur, ces 10%. Sauf si tu achètes chez Amazon. Parce qu'il sera 10% moins cher qu'ailleurs. Futé. Passer par PN pour acheter sur Amazon. Le message est passé. Message subliminal. D'accord, et donc c'est un privilège qui est uniquement pour ceux qui achètent le pack. Voilà, et pour les deux prochaines années, puisque apparemment cette offre n'est que jusqu'à fin 2014. Décembre 2014. Oui. Parce qu'il faut mettre une date de fin, sinon t'es obligé de proposer ça. Et quid de ceux qui vous restent procurés avec en gros, on va payer comme sur Xbox Live un compte Gold 60 euros pour pouvoir bénéficier d'un euro de bon d'achat de temps en temps. Enfin, à mon avis, mais ça fait classe. Vous êtes un petit peu dubitatif. Mais il fallait bien mettre quelque chose dans le pack premium en même temps. Une dragon. après, toi, tu disais qu'il y avait sans doute autre chose derrière, outre les. Oui, j'espère qu'il y aura quand même un statut, un peu comme justement on disait chez Sony, le PlayStation Plus, ou chez Microsoft, le compte Gold. Par exemple, les démos en exclusivité en avance, ou d'autres choses comme ça, ou par exemple, pareil justement pour PlayStation Plus, le fait de recevoir les jeux en dématérialisé une semaine avant la sortie, ou enfin. Un peu plus que juste des privilèges, quoi. Voilà, vrais privilèges. Tu pourrais justifier peut-être un achat d'abonnement minime, mais bon, je vois pas. Là, il n'y a pas d'achat d'abonnement en fait. C'est une carte de fidélité, mais réservée à certains clients uniquement. Qui est réservée aux premiers qui ont acheté la console à 350 €. La date de 2014, c'est simplement parce que légalement ils sont obligés de donner une date de validité à leur. Il faut donner jusqu'à 2020 histoire de dire qu'on va finir la Wii U avec et voilà. Ouais. Mais bon. Bon, on va passer à un autre point qui est assez bizarroïde, c'est Nintendo TV. Alors ça c'est un truc. Alors quand on a traité des Nintendo Direct cet après-midi, il y a eu un heureux privilégié qui a regardé la conférence américaine. Je vous laisse deviner dans quel coin de la salle il se trouve. Et donc pendant un bon quart d'heure, il y a l'ami Zach qui s'est installé dans un divan avec Papy Reggie et tous deux ont discuté de Nintendo TV. Alors tu as beaucoup moins qu'un quart d'heure pour nous expliquer ce que c'est. En gros, c'est une application dans ta Wii U qui te permet de concentrer tous les services de vidéo à la demande ou de catch-up TV ou de fonction d'enregistrement de programme dans cette seule et unique interface sur ta Wii U. D'accord. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont réussi à négocier des accords avec bah, tous ceux qui vendent de la vidéo à la demande, hein, que ce soit Netflix ou ABC Video ou etc. Amazon. Ou Amazon. Et donc ça te permet de retrouver dans une interface, mais qui est super chouette quand même, un guide des programmes, les émissions qui correspondent à tes goûts. Parce que pour chaque personne de la famille, tu peux configurer les goûts et voir les séries, la prochaine diffusion, quelles sont les séries disponibles. Ce que j'ai plutôt apprécié dans cette interface, c'est que si tu es dans la même pièce que ton petit frère, tu dis que toi et ton frère, vous êtes dans la salle, dans la pièce, et du coup, ça va te dire quels sont les programmes disponibles qui correspondent au goût commun que toi et ton frère avaient. Et comment ça se fait qu'on n'en ait pas du tout entendu parler au Japon ou en Europe ? Bah, c'est parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en place dans un pays où tu as 150 millions de consommateurs, donc tu as beaucoup moins d'acteurs à contacter en Europe. Donc tu veux dire que c'est réservé pour les États-Unis ? Alors, c'est clairement réservé aux États-Unis et au Canada. Peut-être une utilisation de l'application dans d'autres pays d'Amérique du Sud, ouais. Parce qu'il n'y a que Nintendo of America qui en a parlé aujourd'hui, ouais. Vraiment que c'est pour seulement. Ça que, Donc ils se concentrent vraiment seulement sur le continent américain pour le moment. Et d'ailleurs l'application n'a pas du tout été mentionnée ni en Europe ni au Japon. Faut rappeler qu'au Japon sur Wii il y a eu des expériences qui ont été faites de télévision qui n'ont pas marché du tout. Donc peut-être que Nintendo Japon s'est dit non, on va pas y aller cette fois. D'accord. On va peut-être rester là pour la Nintendo TV en attendant de savoir plus sur peut-être une présence un jour en France avec des catch-up TV comme M6 Replay, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Non, c'est vraiment réservé au marché américain. Je vois mal Nintendo en Europe essayer de s'adresser aux peut-être 80 ou 100 acteurs du marché pour travailler sur le sujet. Propose des applications, M6 Replay, Canal Plus à la demande, etc. Donc, ça pourrait être quelque chose qui s'intégrera à la Wii U. Mais pour l'instant, c'est réservé au marché américain. Et qu'est-ce que... Où est le Miiverse ? Il a disparu. Je sais pas. Parce qu'on a parlé pendant un quart d'heure de la Nintendo TV, mais moi, il me semblait qu'on a zappé. C'est le grand paradoxe encore de cette conférence. Nintendo montre la carte qu'ils veulent rentrer enfin dans le 21e siècle et dans le network 2.0. Le souci, c'est qu'il y a encore plein de questions en suspens. On parle des démos tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on les aura choisis de façon permanente ? On sait que Microsoft n'accepte pas un jeu s'il n'y a pas une démo qui est présentée avant. Pour le Miiverse, c'est la première chose qu'on nous a montré de la Wii U avant de savoir les jeux derrière. On a même fait au mois de juin une conférence spéciale pour nous présenter Miiverse. Et maintenant, paraît-il en plus que les développeurs ont un peu du mal à assimiler le concept. Bah, apparemment, on leur explique pas grand-chose non plus. Voilà, bon, c'est Double Satoru qui explique, je comprends aussi pourquoi On a vu des exemples d'utilisation de Miiverse dans Zombie U, ce qui est encore une fois un jeu Ubisoft. Voilà, avec quand un ami est tué, etc., on a une petite notification, on peut le voir apparaître dans son jeu. Mais on a vraiment l'impression, donc depuis la Wii, que Ubisoft est aussi quand même un des acteurs privilégiés de Nintendo, un peu comme Sony et Naughty Dog. Je pense qu'il doit y avoir du partage de savoir entre les deux firmes. Enfin, ça se sent vraiment. On voit que, rappelez-vous, sur Wii, le premier jeu à avoir été montré d'éditeur tiers, c'est Red Steel. Là, on parle de Zombie U. Il y a beaucoup d'interviews de Yves Guillemot, de Michel Ancel, des équipes d'Ubisoft. Il y a vraiment un lien privilégié entre les deux firmes et ça m'étonne pas qu'ils arrivent à assimiler un peu plus rapidement et le Wii U Gamepad et le Miiverse, etc. D'accord. Mais quid des autres, c'est toujours pareil. On verra ça. Dernière partie de cette émission numéro 7 de ce PN Show 7. On va parler des surprises. Des surprises annoncées durant ces 4 conférences. Alors surtout, une grosse surprise, peut-être. Une très très grosse, que personne n'attendait d'ailleurs. Ouais. C'est rare de regarder un secret en ces temps de troubles. Mais Nintendo a réussi à le faire et c'est un jeu de Platinum Game. Bayonetta 2, la suite de Bayonetta 1, qui était sorti il y a maintenant en 2010, en janvier 2010 sur PS3 et Xbox 360, sera exclusif sur la Wii U, a été annoncé aujourd'hui par Platinum Games et édité par Nintendo. C'est-à-dire Sega est toujours aux manettes et Platinum Games avec, mais c'est Nintendo qui finance et qui pousse le projet. Très très grosse surprise, c'est un jeu c'est un beat'em all. Qui était complètement loufoque, complètement très stylisé. Et qui avait une très très bonne critique aussi. Ah non, c'était un jeu qui a été vraiment bien accueilli. Par les joueurs un peu moins. La presse a été unanime dessus. Les joueurs ont reproché quand même pas mal de choses. On penchait un peu le manque de cohérence, un peu le manque de. D'accord. C'est vraiment très spécial, hein, ça reste du Platinum Games. Justement, en quoi c'est intéressant d'avoir une franchise comme Bayonetta ? C'est surtout en exclusivité. Quand on annonce un jeu comme ça, alors qu'il était à l'époque, qui n'était pas sorti sur Wii, c'était un jeu PS3 360, récupérer un jeu qui a quand même eu un certain aura. Il s'est vendu à peu près 1,5 million d'exemplaires. Il a eu un certain aura du public, même si c'est pas Call of, c'est pas GTA. Mais c'est symbolique en tout cas. C'est symbolique, c'est plus symbolique par exemple, qu'à l'époque qu'un No More Heroes ou qu'un Mad World qui s'est vendu qu'à une poignée de gens. Ouais. Là, ça parle vraiment. C'est une licence qui est déjà ancrée, qui a eu un certain succès et que les gens voulaient revoir. D'accord. Donc c'est une très belle force, même si c'est pas, comme je dis, ce sera pas un jeu fédérateur vendeur de consoles. Mais c'est juste important d'avoir des exclusivités comme ça pour psychologiquement dans la tête des gens pour dire s'il y a ça, il peut y avoir autre chose. Ouais, c'est un joli coup. Et autre exclusivité de Platinum Games, c'est The Wonderful 101. 101. Ex-Project P100. Qui, du coup, maintenant, t'intéresse de plus en plus. C'est un jeu qui m'était complètement passé inaperçu pour moi pendant le 3. Ah oui, c'est vrai. Ensuite, au fur et à mesure, voilà, pas grand-chose. Et là, je me suis enfin intéressé, hein, puisque un nouveau titre. Au début, j'avais pas compris que c'était Project P100. forcément. Wow, super jeu. Ah, ouais, pas mal. Mais au final, non, super bien. C'est des super héros vus par les Japonais. Alors, Project P100, on passe à Wonderful 101. Ouais, c'est ça. En fait, parce que le 101ème, c'est nous. En fait, c'est une guerre entre super héros. Enfin, c'est du Platinum Red, c'est loufoque à mort. C'est très très stylisé, c'est shading. Ça ressemble beaucoup à Motif Joe. Et celui-là, il débarque quand? Il débarque dans la fenêtre de lancement. D'accord, donc plutôt. Il va pas tarder à arriver. Mais non, généralement, en plus, on sait que Platinum Games sont assez rapides au niveau de développement et sortent les jeux généralement à l'heure. Ce qui est très rare. Encore une surprise, peut-être une demi-surprise, mais Monster Hunter 3G sur Wii U. Oui, bizarrement. Alors, on sait qu'il avait été annoncé l'année dernière sur 3DS qui était sorti, donc qui avait sauvé le Noël japonais avec Mario. Mm-hmm. Là, on l'annonce enfin, parce qu'on attendait tous à quand. Mais quand? Ça fait un an qu'il est sorti. Quand est-ce qu'il sort en Europe? Il sortira en Europe sur 3DS et donc Wii U dans Monster Hunter 3G HD version extraordinaire, juste incroyable. Et d'ici en mars, c'est ça. Hein, Ultimate, donc c'est Monster Hunter 3G Ultimate. Il sortira en mars chez nous, en même temps que la version 3DS. La particularité de la version Wii U sera qu'il sera online, ce qui n'était pas le cas sur la version 3DS, mais que les deux jeux seront intercompatibles. C'est-à-dire qu'on pourra continuer sa partie sur l'une ou l'autre des consoles. Non, c'est une très très bonne nouvelle, surtout au Japon, de fait d'avoir un Monster Hunter qui va arriver très rapidement le jour de la sortie, en pack. C'est une très très bonne nouvelle pour vendre des consoles chez eux. Ça, c'est pas mal. Pour le marché occidental, vraiment, on a une très bonne surprise, c'est Activision qui soutient désormais à fond la Wii. On en avait vraiment des deux. Je pense que tu vas pouvoir revenir sur cette annonce. On avait. Qui a surpris un peu tout le monde. Ça a surpris sans surprendre. Ah. Disons que on voyait pas Activision ne pas proposer de jeux sur Wii U pour le lancement ou dans la fenêtre de lancement. Surtout des jeux comme Skylanders. Non, c'est que la version la plus vendue, en plus la version Wii, le premier. Voilà, on les voyait pas ne pas être là. Mais à l'E3, rien. Mm. Depuis l'été, rien. Et puis, depuis quelques semaines, on entend parler de peut-être Call of Duty qui sortirait sur Wii U. Mais encore une fois, Ubisoft, Activision ne dit rien. Et là, aujourd'hui, boum, qu'est-ce qui se passe? T'as le CEO d'Activision qui arrive, qui pique la place de Reggie et qui, pendant 5 bonnes minutes, nous fait un laïus sur le fait qu'Activision va soutenir la Wii U avec des jeux quand même importants, Call of Duty, Skylanders. Et peut-être un peu moins important, Wipeout et Cabela's Hunter 2013, machin. On a quand même, peut-être, on parlait de symboles avant Bayonetta, est-ce que Call of Duty, ça marque le retour des éditeurs sur les consoles Nintendo? Ça marque surtout le retour du jeu le plus vendu de ces derniers temps, du jeu fédérateur, comme l'était à l'époque PES sur PlayStation 2, sur console Nintendo. On sait qu'ils avaient quand même développé 2-3 petits spin-offs de Call of Duty sur la Wii, qui est quand même anecdotique. Là, le fait qu'il soit présent au lancement est très important. Ça veut dire que ceux qui jouent en ce moment sur PS3 ou 360, si demain ils désirent changer de console, ils peuvent venir sur Wii U. Il y aura leur Call of Duty. En plus, le jeu va exploiter le gamepad. De façon super on va bien. Pouvoir gérer son équipement et tout ça en temps réel, sans avoir à mettre le jeu en pause, etc. Donc, ça peut être un moyen de se mettre dans l'ambiance du jeu qu'on n'aurait pas sur les autres consoles. Tu as peut-être vu les images du multiplayer où donc on a personne sur la télé. Voilà, et une autre qui contrôle ce qui se passe sur son propre écran, donc, sur le gamepad. C'est comme un écran splitté, mais... Mais chacun son écran, voilà. Chacun son écran. En gros, le propriétaire de la salle sur le grand écran HD, pendant ce temps-là, le petit copain invité qui voit son petit écran de 6 cm. L'inconvénient, c'est que la personne qui joue sur le game, enfin la personne qui joue sur le gamepad voit en gros la personne qui joue sur l'écran. Ouais, t'es peut-être occupé quand même. Alors que la personne qui joue sur la télé ne voit pas la personne qui joue sur le gamepad. Bon, mais toujours est-il que l'engagement d'Activision. Oui, c'est pas un simple portage. Ils ont quand même. Ils ont l'air d'avoir travaillé le truc. Et puis, bah, du graphiquement, coup. Graphiquement, semble. Même si, possible. Maintenant qu'ils l'ont dit, on fait, ouais, bon, en même temps, c'est évident que Call of allait sortir. Il y a encore au-delà de PS2, c'était pas du tout évident. Non. Mais il n'y a pas que ça, c'est surtout de se dire que, enfin, Acti, Electronic Arts et Ubisoft, les trois plus gros éditeurs, soutiennent la Wii U. Et c'est très très important de voir ça. Bon, je vais peut-être poser une question bête, mais est-ce que c'est pas trop tard ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas il y a 6 ans qu'on aurait dû avoir Activision qui. Alors oui, c'est il y a 6 ans qu'on aurait dû avoir un engagement massif de ces gens-là avec leurs jeux de fou sur la console, mais le problème c'est qu'on n'avait pas une console de fou. Bon, est-ce que Nintendo a pas 6 ans de retard ? Vous posez la question différemment, alors. C'est peut-être le problème. Parce que du coup, c'est pas les éditeurs qui sont en retard. Si tu. Je peux pas dire oui absolument à ta question parce que j'ai quand même été un fervent. Contrat avec Nintendo, c'est ça. Non, mais j'étais un fervent défenseur de la Wii jusqu'à 2009-2010, quand là, soudain, il n'y a plus de jeu. Et qu'il a fallu compter que sur ce que Nintendo était capable de nous proposer pour pouvoir jouer. Ce qui s'est vite passé, c'est que les éditeurs ont soutenu la Wii. Les éditeurs ont soutenu très vite la Wii. On s'est noyé dans des jeux qui étaient très vite faits. Où, je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, Electronic Arts avait sorti un Boogie, c'était une sorte de jeu de simili de danse, chant, etc. Qui était très mal réalisé. Qui était très très mal réalisé. En fait, tous les jeux sortaient à la va-vite. On faisait vite des spin-offs, des rail shooters à foison. Enfin, on voulait gagner de l'argent facilement parce que la console se vendait comme des types 1. Jusqu'à que les éditeurs ont remarqué, non, c'est Nintendo qui vend leurs jeux parce que leurs jeux sont plus aboutis que les jeux éditeurs tiers. Là, la chance, c'est qu'on retrouve une console un peu plus traditionnelle. C'est-à-dire que ceux qui ne voudront pas utiliser forcément le gamepad ou le deuxième écran mettront juste une balance en une map et proposeront leur jeu fidèlement à ce qu'il y a sur les autres consoles. Le problème de se dire, c'est qu'il y a bientôt la 360 et la PS3 seront mortes et seront remplacées. Là, on pourra parler si elle est vraiment en retard ou pas, pour voir si elle peut tenir la cadence des prochaines consoles. Du coup, on ne sait pas encore exactement, intrinsèquement, à quoi ressemble l'architecture de la console Wii U. D'accord, donc pour l'instant, on ne sait pas forcément si la console pourra durer 6 ans sans vraiment. Non, parce que pour le moment, on ne sait pas quel est le bon technologique que vont faire les concurrents. Soyons honnêtes, il n'y a pas encore de claque technologique sur la Wii U. Il n'y a pas encore de vitrine technologique. Bah, pour le moment, on rattrape le niveau de ce que les autres étaient capables de faire. Et ils sont encore devant. Alors, ça peut se discuter sans doute. Mais disons que la Wii U, c'est un peu la séance de rattrapage. Mais il n'y a aucun jeu qui va dire regardez ce qu'on est capable de faire. Alors, les consoles actuelles. Après, c'est pas forcément avec les visuels que on va voir que la direction prise par Nintendo a changé. Mais ça va plutôt avec l'utilisation de Miiverse qui va être super intelligente. Le truc qu'on va se dire. Bah, non, mais c'est ça. C'est un truc qui a l'air tellement énorme. Que j'ai l'impression qu'il se garde pour le mois prochain ou début novembre, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, comme à chaque fois, ça sera à Nintendo de faire ses preuves. Ça va être à Nintendo de montrer, voilà ce que dont est capable notre console, voilà les idées qu'on peut avoir, voilà comme l'a été justement Wii Sport à l'époque. C'était pas une baffe technique, mais ça montrait, voilà, ça c'est la Wii U. Et pour l'instant, même si Nintendo Land va montrer plein d'idées de gameplay, il n'a pas le fait que la console, le deuxième argument de la console, c'est une console HD. Il n'a pas le fait qu'on peut aligner et gameplay asymétrique et donc motion et donc les motion controllers avec une console HD. Ça, on n'a pas encore l'exemple type. C'est à Nintendo de le montrer, comme Sony l'a montré sur sa PS3 quand ils ont sorti Uncharted, comme Microsoft l'avait fait en sortant Gears of War. C'est toujours au constructeur de montrer la voie à suivre, et c'est peut-être le manque dans le line-up de Nintendo. Je pense que c'est bien pour conclure cette partie. On va conclure ce PN Show numéro 7 sur votre sentiment après cette journée de folie, Xavier. Moi, ça fait déjà 2-3 jours que je suis un petit peu fébrile par rapport à la Wii U. Ne serait-ce que le numéro de Game Informer, je reviens encore dessus, qui était plein d'infos intéressantes au sujet des jeux à paraître. Et du coup, la conférence d'aujourd'hui, en nous donnant des infos quand même très précises sur la date, le prix, le les jeux. RAM. Oui. Pour montrer. Non, mais c'est un signal. Mmh. C'est un signal. Clairement. Du coup, maintenant, on sait plus ou moins ce à quoi on peut s'attendre. Et puis, ben, j'espère que. Donc, vraiment très enthousiaste par rapport aux annonces. Très Nintendo a réussi en tout cas à monopoliser l'attention. Oui, ils ont plutôt bien réussi leur coup. C'était peut-être un peu difficile pour nous d'arriver à tout suivre parce que c'était tout en même temps. Mais pour eux, pour garder l'effet de surprise le plus longtemps possible, il fallait qu'ils fassent comme ça. De toute façon. Et toi, ton sentiment ? Alors, mon sentiment, c'est que Nintendo a enfin réappris un peu ce qu'est la communication, même si la forme n'est toujours pas là. Ça restait quand même très, très ennuyeux. juste qu'ils ont enfin peut-être livré la conférence qu'on attendait depuis 2 E3. Une conférence concrète où on nous montre et des spécificités et un line-up et un prix, même si c'est si y a le 3, on s'en foutait encore à ce moment-là. Et surtout qui nous montre des vraies surprises qu'on n'attendait pas. Par exemple, Bayonetta, personne n'attendait. On revient juste sur le 3 sur la conférence de 3 de cette année. Imaginons juste qu'ils nous balançaient juste le petit logo de Bayonetta comme ils l'ont montré là en 10 secondes. Plus qu'il y avait le mec d'Activision qui monte sur scène et dit « Ah oui, Call of Duty sera là. » La conférence aurait tout changé. Elle aurait peut-être pas tout changé, mais disons qu'il y aurait eu les surprises qui manquaient. Il y aurait eu les attentes qui manquaient. Après, comme je dis, moi je suis pas du tout joueur de Call of Duty, mais c'est très important que le jeu soit là. Ouais. Comme il serait très important, on sait toujours pas sur quel console sort, mais c'est très important que... Tu m'enlèves la question de la bouche. Vas-y. Qu'est-ce qui manque comme jeu ou qu'est-ce qui manque comme annonce pour être complet. Vas-y. Il manque Need for Speed Most Wanted à cette line-up. Non, Boris, tu voulais parler de GTA. GTA 5. On sait surtout pas sur quelle console va sortir. Comme je disais, c'est un jeu fantôme pour le moment. On n'en sait rien de ce jeu. On sait qu'il y a 4 jeux fédérateurs en ce moment de millions. Call of Duty, Assassin's Creed, FIFA et Madden aux États-Unis et donc GTA. C'est les seuls jeux rassembleurs de grand public, gamers, enfin, c'est des jeux qui parlent à la tête des gens qui se vendent à des dizaines de millions d'exemplaires. Ces 4 jeux-là, si on veut vraiment avoir une console complète, il faut que Nintendo les ait dans son line-up. Elle en a 3, il lui manque ce 4e. J'espère, je croise les doigts, qu'il en fera partie. D'accord. Et parmi les jeux annoncés, qu'est-ce que vous allez acheter en premier sur au lancement le 30 novembre? Voilà, on est le 30 novembre. Bah Mario. Bah je pars, alors j'y vais vite. Pour moi c'est Mario. Mario. Ouais. C'est parce que j'ai expliqué largement tout à l'heure pourquoi. C'est Mario. On ne passe pas à côté d'un Mario. Ok, je vais rien dire. Alors moi ce 30 novembre va me coûter très cher. Déjà je pars avec un pack premium. Premium Zombie U ou premium normal? Premium normal. Parce que 50€ de plus pour avoir un gamepad, c'est sûr que c'est le prix de la manette. Et Zombie U, ça peut être intéressant, mais s'il n'y a pas Nintendo Land dedans. Hein. Nintendo Land, comme je dis, comme je disais, Nintendo Land, s'il me l'est vendu avec, je veux l'essayer justement pour voir tout ce qu'on peut faire. Comme j'ai acheté une manette avec Wii Play. Mais c'était le seul moyen d'avoir une manette à l'époque. Non, il y avait quand même deux raisons différentes. Et donc, mais... le pack premium avec quel jeu? Avec Rayman Legend tout de suite. Après, si je devais en choisir un deuxième, je pense que Mario suivrait. Zombie U, je suis pas un grand fan de Survival Horror, donc je suis pas pressé de le faire à la minute. Ce qui va me coûter beaucoup plus cher, c'est que je pense devoir me prendre aussi une Gamepad Pro. Là, on monte plus dans les 500€ de line-up, ça fait très très cher. Une Manette Pro, oui. La Gamepad Pro, ce sera pour l'évolution de la manette dans un an. Voilà, on a Mario, on a Rayman, bon, je vais compléter avec le troisième pilier du lancement, avec Zombie U. Toi, tu prends le pack... Nintendo Land, moi. Donc, je te le prêterai. Je te prêterai aussi. Voilà, donc je vais prendre un pack Zombie U, comme ça. Donc le pack basique a quand même pas fait d'unanimité ici. Le pack basique n'est pas pour nous. Et il n'est même pour personne. Stop. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Un dernier mot, Xavier? Non, un dernier mot, Boris. Chaussettes. Bon, merci de nous avoir suivis pour cette 7e émission du PN Show. 7 comme... Chaussettes. On l'aura compris. On se retrouve, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, le 28 septembre, très exactement. On reviendra sur l'actualité du Tokyo Game Show qui a lieu du 20 au 23 septembre. À Tokyo. C'est vrai. Ce sera un super show. C'est pas, le TGS, c'est pas Toulouse. C'est aléatoire. Et nous reviendrons également sur l'actualité forcément très chargée de ce mois de septembre. Je pense que l'actualité de la Wii U va pouvoir maintenant vraiment démarrer à fond puisque Nintendo a un petit peu ouvert les vannes. Voilà. Je pense que... Et enfin, Rockstar, tu peux dévoiler GTA en exclusivité ouais. sur Wii U. On espère que le 26 septembre, on aura l'annonce de GTA, mais je ne suis pas sûr. Donc, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur PN. À merci bientôt. Merci, Mario. Salut. Au revoir.